M'appelle Jean-Pierre François et j'aime le reggae. Rastaman, Rastaman est dans la place, Rock'n'Roll. Avec une jolie nana, je survivrai, tu vois. Et Jean-Pierre François, je vais faire un nouvel instrument. Écoute Jean-Pierre. C'est un bon tant pis. Un bon tant pis. C'est un bon tant pis. Je peux faire l'harmonica. L'harmonica. Pour toi, t'as souffré toute la nuit. Je n'arrive pas à ouvrir l'harmonica. L'harmonica avec Jean-Pierre François. Je joue du bon tant pis. Mon bon tant pis, il est désaccordé, mais comment on accorde? Fais du reggae, tu peux chanter toute la nuit, mon ami. Quand tu fais du reggae, tu peux faire ça toute la nuit. Ça serait bien qu'il y ait des paroles. En général, les Rastas, ils sont engagés dans une voie pour sauver l'humanité. N'oubliez pas d'acheter nos disques. Ils nous disent à la fin. Oh, ma maman. Je crois que Jean-Pierre, tu devrais monter un groupe de reggae. Et mon téléphone ne marche plus. Je n'ai plus de réseau. paroles. Ah, je ne peux pas, je suis en mode avion. Ah mais d'accord. Moi je suis un gros couillon, j'étais en mode avion, je ne peux pas prouver de réseau en mode avion, espèce d'abruti. Comment tu peux trouver du réseau en mode avion? Ah mais là c'est... Je crois que j'ai perdu les réseaux là. Il n'y a même pas de réseau SFR hein. J'arrête là. J'arrête. Stop. Qu'est-ce que c'est? J'ai plus de réseau, moi. Mais si j'ai plus de réseau, je suis perdu. Sonne bien cette batterie. Bon, si j'ai plus de réseau, moi j'arrête. SFR 4G. SFR? Putain, ça sonne cette batterie là. Ah, j'ai perdu la conversation. Attends, j'ai perdu la truc de conversation. Ça s'est effacé. Merde. Comment on fait pour. Ah, ça y est, te revoilà. Qu'est-ce clair, perle comme ta. Oula, oui. Mais comment c'est. Ça passe avec ça des micros, ça? Putain, j'ai plus de réseau. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de réseau? Nada. Tama. Moi, j'ai tout vendu. Parce que j'étais nul en batterie. Du coup, je fais l'harmonica, c'est plus facile. Ça, c'était la boule de bebop. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, t'as toujours la bebop. Bebop à Clermont-Ferrand, c'était une discothèque qui a coulé. Parce qu'ils ont dépensé trop d'argent. Thank you. Thank you.